إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 12 sur le sujet de Haqiqa al-Tasawwuf, la réalité du soufisme. Et puis on a expliqué, on a commencé à expliquer la semaine passée, en fait on a déjà commencé avant, la distinction entre al-wali dans le Coran ou al-Sunna, puis la notion de al-wilaya, du wali chez al-soufi, qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est quoi la différence entre les deux. On a mentionné la dernière fois, on a mentionné dans le dernier cours certaines des caractéristiques. On est arrivé jusqu'à 4 caractéristiques du wali dans le tasawwuf. Et là, on est arrivé au numéro 5, la caractéristique numéro 5. Puis on va voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les caractéristiques des wali ou des awliya dans le tasawwuf, on va observer que le but vers quoi il se dirige, c'est à la conclusion que al-wali ou Allah à la fin. Ils veulent dire qu'à la fin que le wali c'est Allah. Il n'y a pas de doute là-dedans. Lorsque vous allez voir dans les points des caractéristiques qu'on va mentionner, vous allez voir que c'est ça. Et tout dans le soufisme amène les gens vers l'adoration de l'homme, l'adoration du wali, et dans sa vie, durant sa vie et après sa mort également. Soit durant sa vie, en l'obéissant puis en suivant tout ce qu'il dit, tout ce qu'il ordonne, et après sa vie, en l'adorant à sa tombe et en cherchant l'intercession auprès de lui, etc. Ça, on va voir ça après. Donc, Cheikh Mohamed Ahmed Lour, il dit dans son livre Taqdis al-Ashkhas fil fikr al-Soufi, donc il dit al-wajh al-khamis anna al-wali indahum yaqulu lish-shay kun fayakun. Inna nudriku kayfa anna al-mu'min al-ghayur ala din al-islam ala safa' al-aqidah la yakadu yatamayyazu min al-ghayr wa yakhtaliqu من الكمد حين يقف على تجاوزات وصلت إلى حد نسبة علم الغيب لغير الله تعالى ولكننا لا نستطيع أن نتصور كيف وصلت الجرأة على الله بهؤلاء إلى القول بأن النطق بالغيب يعد العدة الأولى للأولياء وأن الثانية أن يقول للولي للشيء كن فيكون وأن الدرجة الكبرى هي وصول الولي إلى القطبانية. نعم. Donc le cheikh il dit que comme cinquième point, c'est que le wali pour les soufis, lorsqu'il dit à une chose ou lorsqu'il commande à une chose d'être, elle est. Comme lorsque Allah dit kun, fayakun. Ok. Donc le cheikh il dit que tout musulman qui est croyant, qui a une jalousie pour sa religion et un sens d'honneur pour sa religion et pour la aqida, il se remplit de rage lorsqu'il voit les dépassements des soufis, lorsqu'on entend que par exemple ils ont attribué ilm al-ghayb, la connaissance de l'invisible à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on n'est pas capable de comprendre jusqu'à comment ils sont arrivés jusqu'au point, dans leur affront contre Allah subhanahu wa ta'ala, à aller jusqu'à dire que yani, premièrement, il connaît le ghaib, yantiqoub il ghaib. Deuxièmement, le deuxième niveau des awliya, parce qu'il y a des degrés chez les awliya, les soufiya. Le premier degré, il parle de l'invisible, il connaît l'invisible. Al-Ubbatus-Thaniya, le deuxième degré, yaqul li-shaykun fayakun, ça c'est le deuxième degré. Lorsqu'il dit à quelque chose soit, c'est. Wa darajatul kubra hiya wusul ila al-qutbaniyya. Donc le troisième degré, c'est qu'il devient un qutb, il atteint le degré de al-qutbaniyya. Ok, et ça, ça veut dire le pôle, et on va voir plus loin à la fin quand on va terminer toutes les distinctions. Après on va arriver au chapitre où il y a une explication détaillée de tout ce que signifie être le qutb. Qu'est-ce qu'il est, c'est quoi ses tâches, c'est quoi ses caractéristiques, et qu'est-ce que ça signifie tout ça. Donc on va en parler peut-être le cours prochain, inshallah. Donc le cheikh il dit donc que لنستمع إلى ذلك كله على لسان الشيخ إدريس ابن الأرباب يقول درجات الأولياء على ثلاثة أقسام عليا ووسطى وصغرى فالصغرى أن يطير في الهواء ويمشي على ظهر الماء وينطق بالمغيبات والوسطى أن يطيع الله الدرجة الكونية أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون وهذا مقام دفع الله ولدي والكبرى هي درجة القدبانية. Ok, donc ça c'est le cheikh, maintenant il mentionne les paroles du cheikh Idris ibn al-Arbab, et ça c'est un des cheikhs du Soudan, parmi les soufis. Il est né en 913, puis il est mort en 1060. Ouais, il est mort à l'âge de 147 ans. Ouais, et 147 ans c'est grave. S'il était dans cette balade. Comme ils disent ici, les degrés des awliya sont de trois degrés. Le plus haut, le moyen, puis le petit. Il dit le petit, c'est que quelqu'un puisse voler dans les airs et marcher sur la surface de l'eau et dire les choses de l'invisible. Et celui qui est le degré moyen, c'est que Allah lui donne ad-darajat al-kawniyya, c'est-à-dire il est capable de dire à quelque chose d'être et elle est. Et le troisième degré, c'est celui qui a été donné à Daf Allah. Ça c'est un des soufis également, ça s'appelle Daf Allah ibn Sheikh Muhammad ibn Sheikh Muhammad Abu Idris. Donc lui aussi il vient du Soudan. Donc il prétend que lui il avait atteint ce degré là, il dit qu'il avait kun fayakun. Et il y en a d'autres ici, même à Montréal, il y a un gars qui prétend que son frère, il a le Kun Fayakun, un Sénégalais. Donc il dit, et Al-Kubra, c'est d'atteindre le degré de Al-Qudbaniya. Donc si le moyen c'est d'avoir Kun Fayakun, et que le petit c'est de connaître le Ghaib, alors le Qudbaniya, imaginez ce que ça doit être. Hein. Donc c'est le Exactement. Après le cheikh dit, وقد سبق قول الدبار حين شرح معنى الفتح الذي يفيد علم الغيب ولذا يقول الكشف أضعف درجات الولاية. Donc il dit qu'on a lu déjà dans, je pense que pas le dernier cours, le cours d'avant, on a parlé de la signification de al-fath dans les définitions des termes soufis al-fath, et il a dit que bon, pour le plus bas niveau de Al-Fath, c'est connaître Al-Ghaib. Et donc, ça vient expliquer que ça, c'est le plus bas degré de, soi-disant, Al-Wilaya. Et on a lu ça déjà au dernier cours, dans un cours avant. Le cheikh, il dit maintenant, Al-Wajh al-Sadis, le sixième point dans les caractéristiques des Awliya, أن الولي عندهم لا بد له من كرامات ظاهرة. Il croit que pour être un wali, il faut absolument que tu aies quelques miracles. Si tu n'as pas de miracles, tu ne peux pas être un wali. Et donc ça aussi c'est en contradiction avec la notion du wali dans le Coran et dans la Sunna. Parce que dans le Coran et dans la Sunna, pour être un wali, il suffit d'être mu'min et d'avoir at-taqwa. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Toutefois, pour les soufis, ça suffit pas d'avoir l'iman ou taqwa. Il faut faire des miracles. Donc, le cheikh il dit, كما أن الصوفية يرون أن من ظهرت على يديه خوارق لا بد أن يكون وليا. إذ لو لم يكن وليا لما ظهرت على يديه كما نقله القرطبي عنهم. فكذلك يرون ضرورة ظهور الخوارق على يد الولي، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك حيث جعلوا ظهور الخوارق مقياسا لتقييم مستوى المريد عندما يريدون معرفة مدى تقدمه في الاستفادة من دروس الرياضة والمجاهدات القاسية التي يتلقاها من شيخه المربي. فما دام لم تظهر على يده كرامة فإنه باق تحت نير الإهانة والإذلال، وإذا ظهرت منه أعيد له بعض حقوقه بالاعتبار كأن يؤذن له مثلا بالجلوس على سجادة. Donc le Cheikh il dit que les soufis ils voient que lorsqu'une personne fait quelque chose qui est hors de l'ordinaire, alors ça signifie automatiquement qu'il est un wali pour eux. Okay? Parce que pour eux, s'il n'était pas un wali, il n'aurait pas pu faire quelque chose de cette catégorie-là, des choses hors de l'ordinaire. Et là, c'est pour ça que parfois même, ils vont faire entrer des gens qui ne sont même pas des musulmans, yani, dans Al-Wilaya. Même des koufars, ils vont les entrer dans Al-Wilaya parce que, par exemple, certains hindous ou certains bouddhistes ou d'autres gens qui font des choses extraordinaires ou qui ne sont pas normales, eh bien, ils vont considérer que ça, c'est des formes de karamat, et là, ils vont les adorer. Non, pas les adorer, mais ils vont leur donner le statut de wali. D'accord. Donc, là, tu vois, par exemple, on va en revenir à ça. Mais il dit donc, pour continuer l'explication, il dit donc que pour que tu sois un wali, pour eux, il faut absolument que tu aies fait quelque chose d'extraordinaire ou un miracle. Et ils disent que, en fait, si tu es un mourid, c'est-à-dire tu t'as donné l'allégeance à un cheikh pour que tu dises que tu vas le suivre, eh bien, eux, ils déterminent le degré de ce mourid-là par rapport au degré de miracle qui apparaît de lui. Donc, ils vont voir, par exemple, que si une personne est un wali, s'il arrive à faire, s'il est mourid, il commence à faire des miracles, ils vont voir que selon son niveau de miracle, il est avancé dans le soufisme ou non. Et donc, ils vont dire que s'il a des grands miracles, ça veut dire qu'il a bien profité de son cheikh et il a fait beaucoup d'efforts dans le soufisme, il a fait tous les exercices difficiles et spirituels, là, soi-disant, pour s'avancer, pour arriver à atteindre le niveau qu'il veut atteindre. Et donc, s'il n'a pas atteint le niveau, ou s'il n'a pas encore fait de miracle, alors ils disent qu'il reste toujours humilié et rabaissé dans le soufisme, jusqu'à ce qu'il soit capable de faire un miracle. Okay? Et lorsqu'il commence à faire un miracle, des miracles, là, ça y est, on va lui remettre un petit peu des droits qu'il a perdus en entrant dans le tasawwuf. Par exemple, on va lui permettre de s'asseoir sur un tapis, sur un petit tapis, hein, sajjada. Donc là, il va commencer à avoir de plus en plus de l'honneur. Et puis juste comme par exemple, les miracles des soufis, il y a des fois, ça n'a rien à voir avec des miracles. Des fois, par exemple, ça peut être manger du feu, ou bien boire de l'eau bouillante, ou bien se coucher sur des épines, ou bien, quoi d'autre encore, se piquer avec des barres de métal, ou des aiguilles, hein, juste pour montrer, soi-disant, que tu es capable de faire quelque chose hors de l'ordinaire. Et toutes ces choses-là, il y a des koufars qui font ça, et des mouchriquines qui font ça aussi, et même des fois pire que ça, hein. Juste par exemple, un exemple, aux Philippines, il y a des catholiques qui se font crucifier chaque année, hein, ils sont cloués les mains et les pieds dans une planque, sur une croix, hein. Et donc, pour eux, ce serait comme considéré comme un miracle. Il y en a d'autres mouchriquines, ils font la même chose. Ils se rendent des aiguilles, des trucs dans la tête, partout. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils font ça, qu'ils sont des awliyas. Donc, tout ça, c'est des supercheries, ou bien des fois, même c'est juste des choses pour, même les chiens, ils font ça. Donc, après, il dit, wa fi hadha sadad, ينقل الشعراني عن الشيخ محمد العمري أنه كان يقول كان سيدي أحمد الزاهد لا يأذن قط لفقير أي لمريد صوفي أن يجلس على سجادة إلا إذا ظهرت له كرامة. Donc الشعراني il rapporte les paroles du cheikh Mohamed Al-Ghomari. Mohamed Al-Ghomari, c'est un Égyptien, il est mort en 819. Donc lui, il a dit que son cheikh, le cheikh Ahmed Al-Zahid, ouais, il dit que son cheikh Ahmed Al-Zahid, il ne permettait pas à un nouveau soufi mouride de s'asseoir sur une sajjada, sur le tapis sur lequel on fait la prière, excepté s'il avait fait un miracle. S'il n'avait pas fait de miracle, il ne lui donnait pas la permission de s'asseoir sur un tapis. Et ça, c'est rapporté dans At-Tabaqat Al-Kubra. Et non, il a atteint un grade supérieur. Et plus tu fais des miracles, plus tu montes. Comme ça, hein. Donc c'est comme ça. Après, vous allez voir des choses bizarres. Qu'est-ce qu'ils disent. Il dit, يقول سهل بن عبد الله من زهد في الدنيا 40 يوما صادقا من قلبه مخلصا ظهرت له الكرامات ومن لم تظهر له فلعدم الصدق في زهده فقيل كيف تظهر له الكرامة فقال يأخذ ما يشاء من حيث يشاء. Okay, donc ça c'est une citation de Sahl ibn Abdillah. Il dit, celui qui a fait le zuhd, qui s'est détaché de la dunya pendant 40 jours, et qui est sincère dans son cœur et qui est pur dans son intention, on doit voir apparaître en lui des miracles. Et s'il n'y a pas de miracle qui apparaît en lui, ça veut dire qu'il n'est pas sincère dans son détachement de la dunya. Alors ils lui ont demandé comment ce miracle-là doit apparaître. Il a répondu en disant, il prend ce qu'il veut, d'où il veut. Hein? Donc, essayez de comprendre la signification de cette citation-là. Ça, c'est tiré du livre Al-Risala de Al-Qushayri. Ensuite, il dit une autre citation qui dit, وقال الشبلي كل ولي لا يكون له معجزة فهو كذاب. Donc ça c'est dans At-Tabaqat Al-Kubra que c'est mentionné, ça c'est écrit, toute personne qui est wali, qui n'a pas fait un miracle, alors c'est un menteur. Hein. Donc pour eux, tu ne peux pas être un wali si tu n'as pas fait de miracle. Donc on voit là une grosse différence entre leur compréhension de Al-Wilaya et notre compréhension à nous. Après il dit Al-Wajhu Sabi' annahum yasifun al-awliya bima yasifuna bihi rabbahum. C'est-à-dire qu'ils décrivent leur awliya par les mêmes descriptions par lesquelles ils décrivent Allah subhanahu wa ta'ala, par lesquelles ils décrivent leur Seigneur. Cheikh il dit إِضَافَةً إِلَى مَا سَبَقْ أَنْ بَيَّنَّاهُ مِنْ وَصْفِ الْأَوْلِيَا فِي الْفِكْرِ الصُّوفِي بِعِلْمِ الْغَيْبِ فِي دَرَجَتِهِمْ الْأُولَى وَبِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ فِي دَرَجَتِهِمْ الثَّانِيَةِ نَوَدُّ أن نؤكد هنا أن القوم لا يبخلون على أوليائهم بأي صفة يصفون بها ربهم ونعرض عليك نصوصا من مصادرهم لتكون برهانا على ما نقول. Il dit que, en plus de ce qu'on a expliqué déjà dans la partie soufiste, en ce qui concerne les awliya, qu'ils connaissent Al-Ghayb en premier, et ensuite qu'ils peuvent dire Kun et puis Fayakun en deuxième, on veut vous montrer maintenant que les soufis, ils n'ont pas négligé de donner aux awliya aucune des descriptions qu'ils ont données à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va mentionner des textes des soufis pour vous prouver ça. Il y a Qul al-Sha'rani, Inna al-Sheikh Muhammad al-Hudari, Kana yaqul al-ardu bayna yaday kal-ina al-lazi akulu minhum, wa ajsadu al-khala'iq kal-qawarir, ara ma fi bawatinihim. Ça c'est le cheikh Sha'rani, il dit que le cheikh Mohamed Al-Hadari, lui c'est qui? C'est un soufi égyptien encore. il est mort en 897. Et vous trouvez sa biographie dans Tabaqat Al-Kubra. il a dit celui-là, Al-Hadari, la terre est devant moi comme un contenant que, dans lequel je peux manger. Et les corps des créatures sont comme des bouteilles ou quelque chose comme ça, et je vois qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je vois à l'intérieur de ces bouteilles-là. Yann. Donc, ça c'est dans At-Tabaqat al-Kubra. Ensuite, il mentionne une autre citation, il dit « قال أبو العباس المرسي المرسي فقيه متصوف » C'est un faqih متصوف, un soufi, من تلاميذ أبو الحسن الشاذلي. C'est un des élèves de الشاذلي. Il est resté avec lui longtemps. Il est mort en 686. Donc, qu'est-ce qu'il a dit celui-là ? Il dit « لو كشف عن حقيقة الولي لعبد » C'est clair ça. Il a dit « Si on aurait dévoilé la réalité du wali, les gens l'auraient adoré. » Les gens l'auraient adoré. Donc ça c'est mentionné dans « Tabaqat al-Kubra » de Sha'rani. Après il dit « فعلق الشيخ التجاني » Ahmed التجاني علق على هذه الكلمة بقوله لأن أوصافه من أوصاف إلهه ونعوته من نعوته لأنه ينسلخ من جميع الأوصاف البشرية كما تنسلخ الشاة من جلدها. Ça c'est grave. Le Cheikh Tijani, Ahmed Tijani, celui qui a fondé la tariqa Tijaniya, il a dit quoi? Il a dit dans son livre, ça c'est dans son livre Jawahir al-Ma'ani, il dit, il a commenté sur ce commentaire-là, cette parole-là, que si on dévoilait la réalité du wali, les gens l'auraient adoré. Il dit, pour commenter cette parole-là, il dit, parce que ses caractéristiques et ses descriptions sont les mêmes que les attributs de son Dieu, de son Ilah, et il a les mêmes attributs que lui. Parce que il se détache ou bien il se sépare de tous ses attributs humains de la même façon qu'une chèvre se détache de sa peau. Quand on lui arrache sa peau, et bien de la même façon il se détache de ses caractéristiques humaines. Et ça c'est dans Jawahir al-Ma'ani. Après il dit encore, le même encore, Ahmed al-Tijani, il dit encore, قال أيضا فإن حقيقة العارف الإحاطة بجميع الملائكة وبجميع الموجودات من العرش إلى الفرش إلى الفرش يراها في ذاته إلى الفرش. Je ne sais pas si c'est الفرش ou الفرش, lequel des deux il veut dire, mais il dit يراها في ذاته كلها فردا فردا حتى إنه إذا أراد أن يطالع غيبا في اللوح المحفوظ ينظر إليه في ذاته يفتش فيه ويفتش فيه. فسي encore dans جواهر المعاني. Il dit encore pour parler la même signification, il dit parce que la réalité du عارف, celui qui connaît, c'est-à-dire le wali ou bien celui qui a la connaissance du soufisme ou quelque chose comme ça, eh ben il a une connaissance qui enveloppe tout, les anges et toutes les choses qui existent, à partir du trône jusqu'à la plus petite. C'est ça, il voit tout en même temps. Et il dit, il la voit dans son essence, il la voit chacune d'entre elles dans son essence, un à un. Et même s'il veut voir quelque chose qui a rapport avec l'invisible, il parle Rayban, sur l'anche et le mahfouz, dans les tables préservées, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il regarde dedans, dans son essence, et il la cherche. Ça c'est quelque chose d'incroyable, comme prétention, Yann. Probablement. Yann, tu sais, parmi les chiites, ils croient que leur awliya, imam, ils décident eux-mêmes le jour de leur mort, le moment de leur mort, c'est eux qui décident, ils ne meurent pas sans que c'est eux-mêmes qui décident. Donc ça veut dire, ici c'est ça, c'est pas loin de la pensée soufie, il faut dire qu'il y a un lien entre les deux. Après, il dit وأكد هذا المعنى وزاده وضوحا فقال في وصف العارف ففي النظر أن ينظر الوجود كله من عرشه إلى فرشه من حيث إنه لا يخفى منه ذرة واحدة يستوي أمرها فيما كان خلفه وأمامه ويمينه وشماله وعليكم السلام ورحمة الله وفوقه وتحته يرى ذلك في الآن الواحد دفعة واحدة يراه كالجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة فلا تختلط عليه المرئيات وإن اختلفت أحوالها وأوضاعها وحركاتها وألوانها كلها يراها على ما هي عليه دفعة واحدة في الآن الواحد في كل جهة من جهاته فلا تختلط عليه ذرة واحدة. Donc ici il confirme encore plus la signification en décrivant qui est la description de celui qui est al-arif, c'est-à-dire leur wali. Il dit qu'il peut tout voir la création dans un seul instant, tout en même temps. Il voit toute la création en même temps, du trône jusqu'au papillon, et il n'y a pas une seule de ces atomes qui sont invisibles ou cachés pour lui. Donc, l'interfa alayhi khafiya, et tout est égal pour lui. Tout est égal pour lui. Il dit ce qui est devant lui, ce qui est derrière, à gauche, à droite, en haut ou en dessous, il le voit tout en même temps, dans un seul moment. Et il le voit comme al-jawhar al-fard, comme une particule unique, comme qui ne se divise pas. Donc il la voit d'un seul morceau. C'est ça ce qu'il veut dire. Enfin, même si elles sont différentes dans leurs états, dans leur position, dans leur mouvement, dans leur couleur, et lui il les voit toutes comme elles sont dans un seul instant, en même temps, dans toutes les directions en même temps, et il n'y a rien qui est mélangé pour lui. Donc pour lui c'est comme si c'était une seule particule. Donc ça c'est dans Jawahir al-Ma'ani encore. Après le Cheikh dit Aqul, إن هذا الوصف للولي لو طلب إنسان ذو مقدرة عالية على الملاحظة والبحث والتنقيب أن يستخرج وصفا لرب العزة والجلال من كتب القوم بما يزيد على ما هنا لكان من باب التكليف بما لا يطاق. C'est-à-dire, si tu essayes de trouver dans leur livre, si quelqu'un essaye de trouver une description d'Allah qui dépasse la description de ce wali-là, ce serait très difficile pour eux de le faire. C'est-à-dire qu'ils décrivent leur wali avec des choses qu'ils ne décrivent même pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est grave. Après il dit « ولكن دعنا من محاولة المقارنة واسمع إلى اتجاه مقارنة بين صفات العبد وصفات ربه في صورة أوضح وأكثر كشفا وجلاء لحقيقة معتقدهم. » Il dit, laissons tomber les comparaisons et écoutons Abtijani lui-même qui fait la comparaison entre les caractéristiques d'Allah, des créatures et des êtres humains et les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon qui est encore plus claire et qui nous dévoile encore plus la réalité de leur croyance, c'est-à-dire la croyance des soufis. Il y a tout Abtijani, inna lillahi sifatan. إن لله صفة السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة كل صفة من هذه الصفات تحيط بجميع الوجود في آن واحد لا يختلط عليها اختلاف الوجود بذواته أو بألفاظه أو بحركاته فإنه يميز كل فرد من ذلك على حدة تمييزا لا يختلط بغيره لا في سمعه ولا في بصره ولا في صفة من باقي صفاته وهكذا العارف إذا رفعه إلى محل القرب يصير سمعه يسمع كسماع الحق لاتساع دائرته فلا تختلط عليه أصوات الوجود في الآن الواحد ولا تختلط عليه ذوات الوجود في الآن الواحد ولا تختلط عليه حركات الوجود في الآن الواحد سمعا وبصرا. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et Dieu, vous allez voir. Il dit que Tijani, il dit que Allah il a des attributs comme l'ouïe, la vue, la parole, la force et la volonté. Tous ces attributs-là, il est capable par ces attributs-là d'envelopper toute la connaissance, tout ce qui existe dans un seul instant. Et il dit qu'il n'y a rien qui est divisé pour lui. Il voit toutes les créatures et il les voit toutes une par une. Il entend toutes leurs paroles et il voit tous leurs mouvements. Et il distingue chaque individu des autres. Et il n'y a rien qui est mélangé pour lui. Et donc il voit il n'y a rien qui est mélangé pour lui dans ces choses-là, ni dans son ouïe, ni dans sa vue, et ni dans aucun autre de ses attributs. Il dit tandis que l'arif, celui qui a la connaissance, le wali, que Allah a élevé, il dit et qu'il a atteint le niveau ou un état où il est rapproché d'Allah, son ouïe devient comme l'ouïe d'Allah et donc il entend comme Allah et son ouïe entoure tout. Et donc, il n'y a rien qui est divisé pour lui, c'est-à-dire qui est mélangé pour lui parmi les voix des créatures. Il les entend tous en même temps. Et il n'y a rien parmi les existences ou les créatures qui existent qui sont mélangées pour lui. Il les voit toutes en même temps. Il voit leurs mouvements, il entend leurs mouvements, etc. Donc, c'est ça. Ça, c'est leur interprétation du hadith de, wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça, c'est leur compréhension du hadith, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Hadith qui dit, celui qui s'est opposé à un de mes serviteurs approchés, ou bien de mes pieux serviteurs, je vais lui déclarer la guerre. Ben, puis à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne les paroles d'Allah qui dit, يعني ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وسمعه الذي وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخره. Donc eux ils interprètent ce hadith là qui dit que lorsque le serviteur d'Allah continue à se rapprocher d'Allah jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala commence à l'aimer, et lorsque Allah l'a aimé, il devient sa vision par laquelle il voit, et son ouïe par laquelle il entend, et sa main par laquelle il frappe, et sa jambe par laquelle il marche, etc. Et on a expliqué déjà la signification de ce hadith, c'est-à-dire que lorsqu'il se rapproche d'Allah, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala commence à l'aimer, et lorsque Allah l'aime, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, quand il dit il voit, ça veut dire, ils ont dit que, ouais, non, mais en fait, c'est ça, c'est que lorsque quelqu'un atteint le niveau que Allah l'aime, il va faire en sorte que tout ce que ce serviteur-là va regarder, c'est ce que Allah aime. Et tout ce que cette personne-là va, entendre, c'est ce que Allah aime. Et tout ce que, le serviteur fait avec sa main et avec ses jambes, c'est ce que Allah aime. Et non pas qu'il devient, il va obtenir la vue d'Allah, ou il va obtenir l'ouïe d'Allah, et qu'il va, Donc ça, c'est une autre compréhension, déviée de la part des soufis, mais c'est ça ce qu'on voit ici, c'est ça leur conception. Donc, ouais, il fait en sorte que, il utilise uniquement ses sens de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que ça signifie. Mais pour eux, non. C'est-à-dire que tu avances à un niveau que, après que tu te détaches de toutes tes caractéristiques humaines et tu deviens toi-même Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est kufr en réalité, A'udhu billah. Le chef, il dit, أقول إن الذين يحسبون أن المشبه فرقة منقرضة بائدة عليهم أن يعيدوا النظر في نظريتهم أو في نظريتهم ويعلم أن هذا التشبيه لم يظهر في تاريخ الفرق المشبهة وتشبيه للمخلوق بالخالق أشبع منه. الشيخ يلتقي كومنتار الشيخ أحمد لو يلدي ceux qui pensent que la secte des Mushabbiha, c'est une secte qui est disparue et qui n'existe plus aujourd'hui, alors il doit regarder encore une fois, parce que en réalité, quand on regarde ces paroles-là des Soufis, on voit qu'il n'y a pas de tashbih entre Allah et sa créature, de gens qui font des ressemblances entre Allah et sa création, qui sont plus graves, qui sont plus graves que le tashbih de ces gens-là maintenant. Ok? Donc ça veut dire que des gens qui font le tashbih entre le créateur et la créature, et bien ça c'est une des pires manifestations. Et donc, ça c'est. Eh non, la shak, subhanallah. Ah ben c'est les soufis, en général, les chiens aussi ils ont peut-être cette conception-là, puis, moi je pense qu'ils sont égaux les deux en fait, mais en tout cas, pour les chiens on va revenir à ça, parce que on va faire un cours juste sur eux, juste sur les الوجه الثاني الوثيان كاركترستيك لأولياء التصوف أن الولاية في الفكر الصوفي لا مانع من أن تكون بأيدي الأولياء الكبار ويعطونها لمن شاء سافي الوثيان كاركترستيك الولاية dans le soufisme c'est que pour أهل السنة والجماعة quelqu'un devient un wali par ses bonnes œuvres et par sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que dans le tasawwuf, c'est quelque chose, le wilaya, le fait que tu sois un wali, c'est quelque chose qu'une fois que tu l'as, tu peux le donner à qui tu veux. C'est toi qui décides. C'est pas que, c'est un héritage. Et ça se donne de père en fils, et ça se donne, quelqu'un peut décider de le donner à quelqu'un, comme ça, Donc ça veut dire que ça lui appartient, puis il fait avec qu'est-ce qu'il veut. Donc, on voit que c'est une autre notion qui n'est pas du tout reliée avec le Coran et la Sunna. Le Cheikh il dit pour expliquer, la in kunta, la in kana tariq al-hidayah wal-wilaya, qad ittadahat ma'alimuha fi al-kitab wal-sunna, annaha tartakiz ba'da tawfiqillah ala al-iman wal-amal al-salih, laysa ghayr, fa in tariq al-wilaya fi al-fikr al-sufi, da'iratuha awsa'u, وسبل الوصول إليها والحصول عليها أرحب وأقرب لأن الولي الكبير في هذا الفكر يشكل مصنعا لإنتاج الأولياء الصغار. Okay. il dit si on sait que la voie pour atteindre la guidance et de devenir un wali est très claire dans le Coran et dans la Sunna et que c'est basé sur le fait que tu dois avoir les bonnes œuvres et la foi, ça c'est après que Allah t'ait donné le succès d'avoir la guidance. Donc, pour dans la pensée soufie, le cercle ou bien la possibilité de devenir ou d'atteindre le niveau de soufie est beaucoup plus large et beaucoup plus facile ou proche. C'est que le grand wali dans la pensée soufiste, c'est comme une manufacture pour produire des petits soufis, ou bien des petits walis, il peut produire des walis comme il veut. Donc, Ad-Dabbar, qu'est-ce qu'il mentionne les paroles de Ad-Dabbar, il dit, يقدر الولي على أن يكلم أحدا في أذنه ولا يقوم عنه حتى يكون هو والولي في المعارف على حد سواء. Donc, ça c'est les paroles de Ad-Dabbar, c'est un soufi soudanais, il est né en 1139, ok, il est mort en 1224. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ad-Dabbar, il a dit que le wali est capable de dire à quelqu'un une seule parole dans son oreille, puis quand il se lève, le wali et celui à qui il a parlé dans son oreille, ils deviennent égaux dans les connaissances qu'ils possèdent. Hein? Ok. ويقول ابن ضيف الله son nom c'est موسى ولد يعقوب الفضلي aussi c'est un soufi du Soudan lui aussi. Ok, qu'est-ce qu'il dit? في ترجمة موسى ولد يعقوب dit au sujet de ah non je me suis trompé c'est ابن ضيف الله c'est un soufi du Soudan. Ok, et il dit au sujet de Moussa Walad Ya'qub, dans sa biographie, il dit « Kana yahdi al-khalq wa yusiluhum ila darajat al-awliya bi mujarad al-nazar. Wa kana idha nazara ila al-arabi al-jalf yantiqu bil-hikma wa arshada khalqan kathiran bi mujarad al-nazar. » Il dit à propos de Moussa Walad Ya'qub, il dit qu'il guidait les gens, il guidait les gens, il amenait les gens à la guidance et il les amenait à atteindre le niveau de wali juste par le regard. Et lorsqu'il regardait un bédouin qui était très très rude dans ses manières, il le regardait et puis automatiquement le bédouin commençait à parler avec de la sagesse. That's right, hein, c'est ça. C'est un ordre. Et ou bien même un regard même. Et il a guidé beaucoup de gens juste avec son regard. Ça c'est dans son livre Tabaqat ibn Dhayf. Ensuite, ouais c'est ça. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui c'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit, Inna kala tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Hein? Et exactement. Tout ce qu'il fait, exactement, tous les miracles que les prophètes ont fait, c'est par la permission d'Allah. Et Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas guider qui tu aimes, hein, parce qu'il voulait que son oncle accepte l'islam. Il dit, tu ne peux pas guider qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Mais eux, par un simple regard, ils guident quelqu'un. Et même Abu Jahl, il souhaitait pour lui, et Abu Jahl, oui, c'est son oncle, hein, exactement, c'est des bons exemples. Tout ça, ça montre que ces gens-là, ils sont complètement perdus dans cette notion qu'ils ont là. Après, il dit, وَتَحَدَّثَ أَيْضًا عَنِ الشَّيْخ أَحْمَدْ النَّحْلَابِ. Ahmed النَّحْلَابِ, c'est son nom, il est connu sous le nom de Ibn al-Turabi. Ibn al-Turabi, il est mort en 1116, ok. Et puis, qu'est-ce qu'il dit celui-là, Ibn al-Nahlan ? أنه قضى في خلوته 32 شهرا من غير أكل أو شرب. فلما خرج من خلوته أتى بماء يقول عنه ابن ضيف الله فجميع من شرب منه وقع مغشيا عليه وصار وليا من أولياء الله. Donc, il dit que Cheikh Nahlan, il dit que il est sorti de sa khalwa, comment on appelle khalwa, c'est quand il s'est isolé dans un isoloir, un endroit où il va pour se couper du monde, comme un monastère ou quelque chose comme ça, ouais, une ermitage. Et quand il est sorti de sa khalwa, il est resté là-bas pendant 32 mois, sans manger, sans boire. 32 mois sans manger, sans boire. Subhanallah. Ibn Turab. Ouais. Non mais, un mois c'est, un an c'est 12 mois. Donc, 24 mois c'est 2 ans. Et 36, donc c'est presque 3 ans, Yanni. Hein? 2 ans et 8 mois, il est resté sans boire et sans manger. Donc, quand il est sorti de son isoloir, non, il a amené de l'eau et Ibn Dayf a dit à son sujet, toute personne qui buvait de cette eau-là, il tombait sans connaissance et il devenait un des awliya d'Allah. Hein? Après il dit, وَجَاءَ بَعْضُ الصُّوفِيَّ إِلَى الشَّيْخِ حَسَنَ وَدْ حَسُونَ يطلبون سلوك الطريقة فقعدوا ينتظرون خروجه يوما كاملا فلما خرج الشيخ قال لبعض أتباعه خذوا هذه الروابة الروابة الكمية اليسيرة من اللبن الخمير اللبن الخمير donc خذوا هذه الروابة لأولئك الفقراء فأرشدوهم فيها فلما شربوا صاروا من أولياء الله. Ça c'est une autre histoire rapportée dans Tabaqat ibn Dhayf. Il dit que certains parmi les soufis sont allés voir Cheikh Hassan Wud Hassouna et ils lui ont demandé pour pouvoir suivre la tariqa. Donc ils se sont assis en attendant qu'il sorte. Pendant un jour en entier, ils sont restés à attendre qu'il sorte. Quand il est sorti, il leur a dit, il a dit à certains de ses fidèles, prenez de ce rawada. Ils ont dit que c'est un peu de laban, dérivé de laban, et il leur a dit, allez voir ces pauvres-là et donnez-leur cette chose-là. Et quand ils l'ont bu, ils sont devenus des awliya d'Allah. Bon, ça c'est un autre exemple. Ouais. Et puis aussi, bon, en passant là, juste pour mentionner avant que j'oublie, c'est qu'il se le donne aussi de père en fils. Père en fils, yani. Le père, il donne ça à son fils, et son fils à son fils, etc. C'est pour ça que les awliya, souvent, leurs enfants sont respectés par la suite après leur mort, même s'ils font pas la prière, même s'ils font n'importe quoi, yani, les gens vont toujours les considérer comme étant des gens spéciaux ou particuliers, parce qu'ils sont des enfants du soi-disant wali. Et c'est pour ça, des fois, vous rencontrez des musulmans, il y en a qui ne font pas la prière, qui ne pratiquent pas l'islam, et puis il dit, moi mon grand-père était un grand musulman dans mon pays, un grand imam ou je ne sais pas quoi. C'est à cause de ça, c'est basé sur le tasawuf, sur la notion que quand un homme est un wali, il donne sa wilaya à ses enfants et à ses descendants. D'accord? Donc ça vient de ça là. Et aussi, il a dit à sa fille, et il a dit à ses oncles et à toute la famille, il a dit, ah, Fatima, hein, il a dit, je peux rien faire pour toi au jugement dernier. Et il a dit à ses oncles, et à Abu Talib, je peux rien faire pour toi au jugement dernier. Il a dit ça à toute sa famille. Donc, ça c'est en plus c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce que les autres pourront faire pour leur famille? Rien. Donc, après le chef des Amma, le chef Tijani, فقد أخبر أنه حصل على أعلى مقامات الأولياء وهي القطبانية هدية من شيخ اسمه محمد الكردي حيث حكى أنه رحل إلى القاهرة لملاقاة الشيخ المذكور فلما التقى به سأله ما مطلبك؟ فقال له التجاني مطلبي القطبانية العظمى فقال له لك أكثر منها فقال له التجاني عليك قال نعم donc الشيخ التجاني أحمد التجاني le fondateur de la tariqa il a informé ou il a mentionné dans son livre que il a atteint le plus haut degré de la wilaya et que c'est un soufi un cheikh qui s'appelle Mohammed al-Kurdi qui lui a donné ça en cadeau. Il lui a donné ce niveau de wilaya en cadeau. Mohamed al-Kurdi, ouais, c'est un don. Donc ça prouve que, yani, c'est quelque chose qui se donne. Une personne peut donner à l'autre comme il veut, comme il décide, hein. Et donc, le peu de gré, il faut savoir comme, s'il l'avait lui-même, parce que s'il l'a pas, il peut pas le donner, hein. Puis c'est ça. En tout cas, c'est, ça que du chien, il a gardé, hein. Bon. Mais on sait jamais avec ces gens-là. En tout cas. Après, il est allé le voir en Égypte, au Caire, pour le rencontrer. Et puis, il lui a demandé, le chef lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Et Tijan lui a dit, je veux al-Qutbaniyya al-Uzma. Je veux le plus haut degré de Qutbaniyya, c'est-à-dire, ou de être le pôle, le plus grand pôle. Le pôle suprême. Alors, il lui a dit, tu l'as et plus encore. Alors, التجانية اللي يدي عليك C'est-à-dire, je pense, si, d'après ce que je comprends, il dit comme c'est de toi, et il a dit oui. Donc, ça c'est dans son livre Jawahir al-Ma'ani. Et en passant, Jawahir al-Ma'ani, Tijani, il prétend que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dicté en plein éveil, en plein jour. Il est venu le voir et lui a dicté le livre, et lui il l'a dit. Je sais pas. Je sais pas comment il le voit. Il dit après, wa zakara ayban, أن العارف يرى نفسه أن ليس ثم غيره يتجلى بالأسماء والصفات إلا هو ولكنه يعلم أن ذلك من إضافة القطب عليه إذ لو أراد القطب إمساكه لأمسكه عنه. Ça c'est un petit peu compliqué à traduire parce que c'est un peu bizarre comme signification, mais comme si on disait que ça fait pas de sens, mais je vais essayer de traduire comme qu'est-ce que je comme je peux. Il dit que le wali, il se voit, il voit que c'est lui seul qui peut manifester les noms et les attributs. Personne peut manifester les attributs et les noms à part lui. Sauf que il sait que ça vient uniquement du fait qu'il est associé au qutb, ou que c'est le qutb qui lui donne cette capacité-là. Parce que si le qutb ne voulait pas, ou si le qutb voulait lui retenir ça, eh ben, il l'aurait retenu, ça veut dire il l'aurait pas eu. C'est des idées un peu bizarres, Yannick. Ouais, c'est ça. Mais, pas exactement, exactement, c'est dans ce sens-là, Wallahu A'lam. De toute façon, quand on lit le reste, quand il parle du qutb, par la suite, on comprend plus qu'est-ce que ça signifie par la suite. يقول وهكذا نجد أن تصرفاتهم في إعطاء مقام الولاية لمن يريدون له ذلك لا تقف عند حد وسخاؤهم فيه لا يقع تحت حصر فبينما يتفضل بعضهم بالولاية على من يشاء بمجرد كلمة يهمس بها في أذن المريد نرى غيره يصنع الولي بنظرة واحدة يأتي غيره فيجعل الولاية في كوب أو في كوب ماء أو جرعة لبن فيشربه العوام فينقلب أولياه فيا من دعاوى عريضة عارية والله تعالى يقول لنبيه ومصطفاه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Puis il y a une autre place dans le livre, je me souviens quand je lisais, où il mentionne un endroit que le wali, il regardait, et un jour il a regardé un chien, et puis le chien est devenu un wali pour les autres chiens. Alors ouais, et quand il est mort, le chien quand il est mort, il l'a enterré, et les autres chiens venaient à sa tombe, puis ils pleuraient. Ouais, donc quand j'ai lu ça, je me souviens plus où est-ce que j'ai mis. Où est-ce que je l'ai lu, mais sinon je me souviens qu'il y avait cette histoire-là. Oui, non, c'est des idées qu'ils ont comme ça, les soufis. Après, il dit, Al-Wajh al-Tafi', annahum yuqabilun al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqdatan. Les awliya, ils peuvent rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les soufis, ils peuvent rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plein éveil. أما مسألة مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم فدواوين الفكر الصوفي مليئة بها لا خلاف بينهم في إمكانها ووقوعها وليس مقصودنا هنا مناقشتهم في إمكانيته في إمكانية وقوعها فذلك موضع آخر وإنما أردنا فقط بيان وجود هذه الخاصية للأولياء في الفكر الصوفي وأنها في نقاط الخلاف الجوهرية بين أولياء الفكر الصوفي وأولياء في الشريعة الإسلامية. Donc il dit que la rencontre du prophète صلى الله عليه وسلم, ça c'est quelque chose il y a plein d'histoires de ce truc là dans les livres des soufis, c'est rempli. Il dit que ils n'ont pas de désaccord entre eux sur le fait que c'est possible et que ça se produit. Et il dit que ici on ne veut pas disputer la question est-ce que c'est possible ou non, parce que ça va être expliqué plus loin, parce dans le volume 2, il a parlé de cette question-là en détail, mais là il veut juste montrer que cette idée-là, elle est présente dans les livres de la pensée soufia, chez les soufis, et que c'est une des différences fondamentales et principales entre le wali dans la pensée soufia et le wali dans la charia islamique, dans le Coran et dans la Sunna. Donc il dit « أما الأغراض التي يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها فمتعددة ومتنوعة وليكن مثلنا الأول والثاني حول اللقاء به عليه الصلاة والسلام لغرض سؤاله عن الأحاديث وأحكامها وتصحيحها وتضعيفها. » Dit que les soufis, ils rencontrent le prophète صلى الله عليه وسلم pour différentes raisons. Et dans notre premier et dans notre deuxième exemple qu'on va mentionner, ça sera pour le but de lui demander au sujet des hadiths, de leurs règles et au sujet de leur authenticité et de leur faiblesse. يقول ابن عربي ورب حديث يكون صحيحا من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف الذي عين هذا المظهر مظهر معينة النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث الصحيح فأنكره وقال له لم أقله ولا حكمت به فيعلم هذا المكاشف ضعفه فيترك العمل به عن بينة من ربه وإن كان قد عمل به أهل النقل لصحة طريقه وبنفس الأمر ليس كذلك. سبحان الله. يدي كابن عربي الطائي سليك يدي كي أدي دي grand penseur de l'idée de wahdat al-wujud, celui qui défendait l'idée que il y a pas de différence entre le créateur et la créature, tout est Allah. Hein, tout est Allah. Donc Ibn Arabi, al-Ta'i, il dit que des fois un hadith peut être authentique dans sa chaîne de narrateur, et la personne qui a un cache, c'est-à-dire Allah lui montre ou lui dévoile quelques connaissances, il arrive à voir l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui demande au sujet de ce hadith authentique, et le prophète lui répond en niant le hadith ou en rejetant le hadith, et il lui dit « je ne l'ai jamais dit et je ne l'ai jamais jugé selon ce hadith ». Alors il dit que cette personne-là, à qui Allah a dévoilé certaines connaissances, lui il est au courant de sa faiblesse ou du fait que cette parole n'est pas authentique, et il ne l'applique pas, il n'agit pas selon ce hadith-là avec une preuve de son Seigneur. Tandis que pour les autres, les savants de hadith, eux, ils considèrent qu'il est authentique, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Hein. Et ça, c'est rapporté dans son livre, Al-Futuhat al-Makkiyah. Donc si c'est comme ça, Yanni, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours vivant, donc ça veut dire, Yanni, hein, on n'a pas besoin de rien, yani, tout est là donc. C'est de l'ignorance, puis les gens qui propagent ces idées-là, c'est pour manipuler la masse ignorante de musulmans. Ils profitent de ça pour faire ce qu'ils veulent, puis faire aux gens ce qu'ils veulent. Et ils vivent, eux, comme des pachas, yani. Hein? Non. Les tables préservées, ils croient que ça, c'est les awliyas qui font ça. Les awliyas qui font. Aussi les awliyas. Oui, hein. Ouais, c'est comme ça, ils se contredisent. Eh non, il n'y a pas de doute. Quand quelqu'un ment, il se contredit tout le temps. Après, il mentionne un autre exemple, il dit, قال أبو المواهب الشاذلي, ça c'est un autre soufi, ils n'ont pas mentionné la date de sa mort, il dit, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الحديث المشهور اذكر الله حتى يقول مجنون, أو نعم حتى يقول مجنون, وفي صحيح ابن حبان اذكر من ذكر الله أكثر من ذكر الله حتى يقول مجنون. والحديث أخرجه لهم الحكم. أخرج الشيخ فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن حبان في روايته وصدق أراوي أذكر الله فإني قلتهما معا مرة قلت هذا ومرة قلت هذا. نصف الطبقة الكبرى. Il dit que Abu al-Mawahib al-Shazili, il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai demandé au sujet du hadith qui est célèbre, rappelez-vous d'Allah jusqu'à ce qu'on dise que vous êtes fou. Et dans un autre hadith rapporté dans Sahih ibn Hibban, mentionnez souvent Allah jusqu'à ce qu'on dise que vous êtes fou, et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, oui, Ibn Hibban a dit vrai dans sa narration, et il a raison dans les deux. Je les ai dit toutes les deux narrations. Une fois j'ai dit ça et l'autre fois j'ai dit l'autre. Donc, au sujet de ça, c'est dans Tabaqat al-Kubra, puis au sujet du hadith, le Cheikh dit, هذا الحديث رواه أحمد في المسند وابن حبان والحاكم في المستدرك وكلهم من طريق دارج بن السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وأبو السمح قال النسائي عنه ليس بالقوي في الضعفاء وقال الحافظ في التقريب صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف ومع هذا قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يتعقبه الذهبي كعادته فيحتمل أن يكون قد سهى عنه أو تعقبه وسقط من تخليصه المطبوع بحاشية المستبرك لأنه ذكر أبا السمح في كتابه الضعفاء ونقل عن أحمد وغيره أن حديثه مناكير وذكره أيضا في الميزان ووعد وعد هذا الحديث من مناكيره والحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وضعيف الجامع donc le hadith est ضعيف il est mentionné par Cheikh Al-Albani comme étant ضعيف dans sa silsila le hadith numéro 517 et dans ضعيف الجامع الصغير il est mentionné comme étant ضعيف également c'est le hadith 1207 Vous pouvez retourner dans Silsilat al-Hadith al-Da'if, vous allez voir les détails, pourquoi le Cheikh al-Albani l'a déclaré Da'if en détail. Et Cheikh Fadlo, il a détaillé, il a mentionné quelques raisons pourquoi, 1107. Mais, il n'y a pas besoin de traduire, 1207, pardon, 1207. Non, donc, ça c'est leur façon pour authentifier les Hadiths. Ils prétendent qu'ils voient le prophète enseigne et lui demandent des choses comme ça. D'accord pardon? Ouais, c'est ça, c'est lui qui prétend ça. Comment on peut vérifier que c'est vrai? Hein? Peut-être qu'il ment, puis personne ne peut vérifier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement, ben. La ilaha illallah. Après, il dit, أما المثال الآخر فيقول علي الحرازم ابن العربي فسي وهو علي حرازم ابن عربي برادة مغربي من أهل فارس صاحب الشيخ أحمد التيجاني توفي سنة 1218. Donc lui c'est quelqu'un qui vient du Maghreb, du Maroc, de la ville de Fas. Et son nom c'est Ali Hawazin ibn Arabi, c'était un des compagnons de Ahmed al-Tijani, un de ses compagnons. Donc il dit, celui-là, وهذه الأبيات التي نذكرها علمها سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في المنام للولي الصالح أبي عبد الله محمد ابن العربي التازي فلما استيقظ وجدها في فيه يذكرها فحفظها فبعد ذلك لقي مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة وكان يلاقيه في اليقظة كثيرا فسأله عن معنى الأبيات وطلب منه شرح الأبيات فأجابه لذلك مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبته في شيخنا وأستاذنا أحمد بن محمد التيجاني وهو تلميذ له وصرح له سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأن قال لولا محبتك في التيجاني ما رأيتني قط. Des paroles un peu incroyables, encore une fois. Il dit qu'un autre exemple, c'est la parole de Ali Harazim ibn al-Arabi. Il a dit qu'il a reçu certains vers, des vers d'un poème, hein, et il a dit que ces vers-là, c'est son cher qui l'a reçu dans un rêve du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui les a reçus, c'est Abi Abdullah Muhammad ibn al-Arabi al-Tazi. Il dit que lorsqu'il s'est réveillé, il les a trouvés et il s'en est souvenu et donc il les a mémorisés. Et par la suite, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil et il le rencontrait très souvent en état d'éveil. Hein. Il venait le voir puis il lui parlait et donc là, il l'a rencontré et il lui a demandé au sujet des vers, des versets, des vers de ce poème, et lui a demandé de les expliquer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à sa demande et lui a expliqué, parce que il aimait notre cher Ahmed al-Tijani. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ces vers-là à Abdullah Muhammad ibn al-Arabi al-Tazi, pour son amour pour le Cheikh al-Tijani, d'accord. Et il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abi Abdullah Mohammed al-Tazi que si ce n'était pas de ton amour pour al-Tijani, tu ne m'aurais jamais vu. Hein, c'est ça. Donc ça c'est rapporté dans son livre Jawahir al-Ma'ani. Après il dit, « Aqulu, hadha al-khabar, law lam yakun fihi سوى مناهضة قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له لكان ذلك كافيا في نففه وجعله هباء منثورا. Il dit que si c'était pas seulement du fait que Allah dit dans le Coran qu'il n'a pas enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la poésie et que ce n'est pas correct pour lui, donc que ça lui convient pas de faire de la poésie, donc ça aurait été suffisant pour prouver et pour montrer que c'est que toutes ces histoires là ça ne vaut que cette histoire là ça ne vaut rien parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'enseigne pas aux gens la poésie, donc ça vient en contradiction avec le Coran, et donc en plus on peut même savoir tout de suite que c'est des histoires. Ensuite, le dixième point, c'est le dernier point que le cheikh mentionne dans les distinctions entre le wali des Sufia et le wali des, selon le Coran et la Sunna. Il dit que أن الولاية عندهم لها خاتم كما للنبوة خاتما. Hein? Ça, c'est un autre de leurs principes. C'est-à-dire que, comme nous, on sait que Allah dit dans le Coran que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est خاتم النبيين, que c'est le dernier des prophètes, c'est lui qui vient terminer la lignée des prophètes et des messagers, il y en a plus d'autres après lui, et ben eux aussi ils ont cette notion là pour le wali. Ils prétendent qu'il y a un dernier wali et qu'après ce wali-là, il n'y en a plus. Et ça c'est grave parce que ça veut dire que, selon la définition de notre compréhension, selon le Coran et la Sunna, que tout musulman qui a la crainte d'Allah, qui croit à Allah, il est wali. Et ça, ça voudra dire que, qu'après le wali, il n'y en a plus d'autres mu'minines. Tout le monde s'en dit kuffar. Mais en réalité, eux, c'est pas ça ce qu'ils veulent dire, parce que pour eux, le wali, c'est comme on a dit, c'est un être, un peu comme Superman, ou bien Neo dans Matrix, hein, ouais, c'est ça, ou bien Luke Skywalker dans la guerre des étoiles. Mais c'est pire que ça encore, hein. Non. Qu'est-ce que les chrétiens ont dit à propos d'Issa? Des fois, ils me demandent, est-ce que eux, c'est pas encore pire? Ben oui. Parce que je me souviens, une fois, il y a un cheikh qui parlait justement des soufis, hein, et ils disent, les chrétiens, ils ont quitté le droit chemin parce qu'ils ont dit que Allah est entré en Issa. Alors, que eux, les soufis, ont dit qu'Allah est entré dans tout le monde. Ça, c'est encore pire. Donc, c'est encore grave. Ok, ils ont dit le contraire, Yanni. Ils ont dit, les chrétiens sont coupables parce qu'ils ont dit que c'est juste Issa. Mais les soufis, nous, on n'est pas coupables parce qu'on dit qu'il est entré dans tout. Ah, ça, c'est grave, Yanni. Subhanallah. Ah oui, j'ai lu quelque chose qui ressemble à ça aussi. C'est comme les mouchriquins nous disent, pourquoi les soufis ont dit, pourquoi les mouchriquins pourquoi les gens qui adorent les idoles sont des mouchriquins? C'est parce qu'ils croient que Allah est seulement dans leur idole. Mais si tu crois que Allah est dans tout, ça c'est pas shirk. Parce que eux, ils considèrent que, c'est ça, j'ai des citations ici de lui. Pour eux, le shirk c'est le tawhid, puis le tawhid c'est le shirk. C'est le monde à l'envers. Non, c'est pas eux, ceux qui disent ça, c'est comment on appelle, Jabriya, Al-Jahmiya, ouais, quelque chose comme ça. Puis il y a d'autres aussi, comme la Sha'ra, ils croient à ça aussi. Ouais, c'est du kuffar. Ouais, Al-Jahmiya, c'est du kuffar. Mais il n'y a pas une secte aujourd'hui qui s'appelle Jahmiya. Mais il y a des gens qui ont certains aspects de leur aqida. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh maintenant, comme dans ce point-là de Al-Wilaya? Et ça va être notre dernier point, Inch'Allah. C'est un gros point parce qu'il a expliqué plein de trucs à ce sujet-là. Comme il est rentré en détail dans la notion de Khatim al-Awliya, qu'est-ce que ça veut dire, puis tout ça. Nous, on ne va pas rentrer dans tous les détails, on va juste donner une petite idée de ça, puis peut-être essayer de donner quelques citations. Il dit « عقيدة ختم الولاية فكرة صوفية أول من تكلم بها رجل يدعى الحكيم الترمذي الذي عاش في القرن الثاني الهجري وهي عقيدة مضادة لما في الكتاب والسنة إذ آخر الأولياء كما يدل عليه المعنى اللغوي لهذين اللفظين وكما يفهم من سكوت النصوص الشرعية وعدم ورود شيء من شأنه إنما هو آخر مؤمن تقي يكون من الناس وليس هو بخير الأولياء ولا أفضلهم لعدم ورود نص في هذا بل أفضلهم هو أبو بكر ثم عمر اللذان ما اطلعت الشمس وما غربت على أحد من بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, ça c'est lui qui a dit ça en fait. Il mentionne ici que la pensée qu'il y a un dernier wali, ou bien qu'il y a une terminaison à la chaîne de Awliya, soit-disant selon dans la pensée soufie, le premier qui a mentionné ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Al-Hakim al-Tirmizi. Il a vécu dans le 3e siècle Hijri, et c'est une aqida qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, car comme on peut le comprendre dans la notion linguistique de la signification du mot awliya, et comme on peut comprendre également qu'il n'y a aucun texte du Coran et de la Sunna qui parle de ce principe-là, et il dit que le dernier des awliya, en réalité, selon l'islam, c'est le dernier croyant qui crée Allah parmi les hommes. Et ce n'est pas le meilleur des awliya, ni le meilleur d'entre eux, parce qu'il n'y a aucun texte qui mentionne ça. Le meilleur d'entre les awliya, en réalité, c'est Abu Bakr, puis ensuite Omar, radiallahu anhuma, et après les prophètes, le cheikh dit, après les prophètes, le soleil ne s'est jamais levé ni couché sur quelqu'un de meilleur que ces deux-là, après les prophètes et les messagers. Donc ça veut dire que le meilleur awliya d'Allah, c'est Abu Bakr et Omar, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis après ça, Othman, Ali, puis Al-Ashar al-Mubashirina bin Jannah, après Al-Muhajirin et Al-Anfar, et ainsi de suite. Donc, c'est ça la notion de yani awliya dans l'islam. Plus que quelqu'un est mu'min, plus qu'il est proche d'Allah. Et il n'y a pas de notion de dernier wali ou quelque chose comme ça. وَيَبْدُوا أَنَّ الصُّوفِيَّ أَطْبَقُوا عَلَى التَّرْحِيدِ بِالْفِكْرَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَى وَبَقِيَ تَعْيِنُهَا مَنْ هُوَ الْوَلِيُّ الْخَاتِمُ فَوَجَدْنَا أَنَّ مَجْمُوعَةَ كَبِيرَةً مِنْهُمْ اندفعت إلى الزج بنفسها أو بشيخها في هذا الميدان. Dit que les soufis, ils ont été séduits par l'idée au début, ils l'ont accueilli, et puis ensuite ils ont eu des différences entre eux en ce qui concerne c'est qui ce dernier wali-là. Chaque tariqa essaie de prétendre que leur cheikh c'est lui le khatim ou que c'est lui le dernier des awliya. C'est qui? Dajjal? Peut-être. Mais non, mais eux ils disent pas que c'est Dajjal en tout cas. Il n'y a pas de doute. Parce que ces gens-là, ils aiment tellement les miracles, que lui, Dajjal, quand il va venir, il peut donner à tout le monde ce qu'il veut de la dunya. Celui qui l'accepte et qui veut le suivre, il lui donne tout ce qu'il veut dans la dunya. Et celui qui refuse de le suivre, il lui enlève tout, il ne lui reste plus rien. Donc imaginez, ceux qui veulent la dunya, là, ils vont être heureux avec le Dajjal, a'oudhou billah. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chaque groupe de soufis, ils ont essayé de prétendre que leur cheikh, soit que le cheikh il a prétendu lui-même, je suis le khatim, ou bien ils ont dit que c'est les fidèles qui l'ont prétendu pour leur cheikh. Il dit, ولعل الأوصاف العظيمة التي أضافها الترمذي صاحب الفكرة على هذا الولي هي التي شوقتهم إلى الترشيح شيوخهم أو أنفسهم لهذا المنصب الخطير حيث يقول عنه فهذا سيد الأولياء وأمان أهل الأرض ومنذر أهل السماء وخالصة الله وموضع نظره وصوته في خلقه. Donc il dit que peut-être que ce qui les a incités à vouloir prétendre ça pour eux-mêmes ou bien pour leur cheikh, c'est la description de celui qui a établi cette idée-là à la base, c'était Al-Hakim al-Tirmidhi, lorsqu'il a parlé du wali. Et il a dit, lorsqu'il a parlé du Khatim des Awliya, il a dit que c'est lui le maître des Awliya, celui qui donne la sécurité aux gens de la terre, et yani Munziru al-Sama. Ça je ne sais pas en tout cas. Il dit c'est lui qui est le particulier d'Allah, l'être choisi d'Allah, ou bien particulier d'Allah, et c'est sur lui que Allah met son regard et son fouet sur la terre ou quelque chose, sur sa création, quelque chose comme ça, je ne comprends pas ici. Et ça c'est dans son livre Khatm al-Wilaya de l'Tirmidhi. Après il dit وَأَنْهُ يَقُولُ فَكَمَا كَانَ مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ حُجَّةً عَلَى الْأَنْبِيَا فَكَذَلِكَ يَصِيرُ هَذَا الْوَلِي حُجَّةً عَلَى الْأَوْلِيَا. Donc il dit comme le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم était une preuve pour les prophètes, et eh bien le Khatm al-Awliya il devient une preuve pour les Awliya. Et Ibn Taymiyyah il dit يقول ابن تيمية لم يتكلم أحد من المشايخ بخاتم الأولياء إلا محمد ابن علي ابن علي الحكيم الترمذي، فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ويقول أيضا وكذلك لفظ خاتم الأولياء لفظ باطل لا أصل له، وأول من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي، وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياء كابن حموي وابن عربي وبعض شيوخ الضالين بدمشق وغيرها، وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعض الوجوه إلى غير ذلك من الكفر والبهتان، وكل ذلك طمعا في رئاسة خاتم الأولياء لما فاتتهم رئاسة خاتم الأنبياء وقد غلطوا، فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك وليس كذلك خاتم الأولياء. Donc Ibn Arab, Ibn Taymiyyah, il dit que personne n'a parlé de cette notion de dernier wali, excepté Muhammad ibn Ali al-Hakim al-Tirmidhi, et il a fait une erreur en parlant de ça, il a écrit un livre là-dessus, puis il a fait une erreur dans plusieurs points à ce sujet-là, et il y a des gens qui sont venus par la suite, et chacun d'entre eux, il se prétendait être celui-là, c'est-à-dire d'être le Khatim des Awliya. Et il dit ensuite Ibn Taymiyyah que de dire Khatim al-Awliya c'est quelque chose de faux, complètement faux, et ça n'a aucun fondement. Et le premier qui a parlé de ça c'est, comme on a dit, Al-Hakim al-Tirmidhi, et il y a d'autres qui l'ont suivi par la suite et qui ont prétendu être Khatim al-Awliya, comme Ibn Himawai et Ibn Arabi, le soufi dont on a parlé tout à l'heure, et certains chouyours égarés de Damas. Et qu'est-ce qui se passe par la suite, qu'est-ce qu'ils disent après avoir dit Khatim al-Awliya? Ils disent que Khatim al-Awliya il est meilleur que Khatim al-Anbiya, il est meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils croient que le niveau de wilaya c'est plus haut que le niveau de prophétie. Et puis par exemple il cite ici Yaqul ibn Arabi عن وهو يتحدث عن وحدة الوجود، ليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأنبياء أو الرسل إلا من مشكات الرسل من مشكات الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم، حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكات خاتم الأولياء، فإن الرسالة والنبوة أعني نبوة التشريع ورسالته تنقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا، فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكات خاتم الأولياء. Donc on voit dans cette citation là qu'il donne une préférence au wali sur le prophète, parce qu'ils disent que le prophète صلى الله عليه وسلم il prend de la source ou prend le wali lui aussi, d'accord. Donc c'est ça ce qu'il prétend. Ça c'est tiré du livre de Ibn Arabi qui s'appelle Fusus al-Hikam, ok. Et je vais pas traduire tout parce que c'est un peu mélangeant là. Mais après il dit وَيَقُولُ وَلَمَّا مَثَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّبُوَّةَ بِالْحَائِطِ وَمِنَ اللَّبِنِ مِنَ اللَّبِنَة وقد كمل سوى موضع لبنة، فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبنة، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها كما قال إلا لبنة واحدة. أما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى في الحائط لبنتين، لبنة الذهب ولبنة الفضة، فلا بد أن يرى نفسه تنقطع في موضع تينك اللبنتين، فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين لا تينك تينك تينك تينك اللبنتين فيكمل الحائط فكما هو آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. En tout cas, c'est des paroles graves. Il parle de la, il compare l'exemple dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit qu'il est le dernier des messagers et que il a comparé le fait qu'il est le dernier des prophètes à une construction et qu'il y a et cette construction là elle est belle. Et tout le monde dit waouh, elle est belle, sauf qu'il manque une brique. Et il dit moi je suis cette brique qui manque. C'est moi qui suis le dernier des messagers. Et donc Ibn Arabi il commente là-dessus puis il dit des choses un peu bizarres, mais à la fin c'est comme la conclusion de ce qu'il dit, c'est que le prophète, le wali, il prend directement de là où l'ange prend la révélation pour le donner au prophète. فإنه أخذ من المعدن المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc c'est pour dire qu'il est plus haut que le prophète صلى الله عليه وسلم. Puis après il dit وقال أيضا وفينا من يأخذ عن الله فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم. Donc Ibn Arabi continue, puis il dit, et donc il y en a parmi nous qui prennent directement d'Allah, et donc il devient un successeur ou un khalifa d'Allah, dans son jugement, dans son façon de, dans son hukum. Après il dit wa fi fi hadhihi an-nusus najid annahu faddala khatim al-awliya ala al-anbiya bi umur. Donc on voit dans ces citations-là qu'il a préféré les awliya sur le khatim al-awliya sur le khatim al-anbiya. Et juste pour terminer tout ça, on va lire la parole de Ibn Abi al-'Izz al-Hanafi qui a fait le sharh de l'aqida al-Tahawiyya. Il dit قال Ibn Abi al-'Izz في معرض الرد على ابن عربي فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة فجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه وكيف يخفى كفر من هذا كلامه. Donc Ibn Abi al-'Izz al-Hanafi il dit, pour réfuter Ibn Arabi, il dit qui est plus mécréant que celui qui se compare dans la comparaison de la brique. Il dit que le messager a une brique en or et le messager c'est une brique en argent et il se met plus haut que le messager. Et donc c'est ça leurs aspirations, ils souhaiteraient être plus haut que les messagers. Et donc ça c'est l'orgueil qu'ils ont dans le cœur. Il mentionne le verset dans Sourate Ghafir, le verset 56. Il dit comment quelqu'un ne peut pas voir yani, le coffre de cette personne-là dans ses paroles. Donc on va s'arrêter ici, il y a beaucoup d'autres trucs à ce sujet-là, mais bon on va s'arrêter. Puis on continuera la semaine prochaine avec la notion de Al-Qutb dans le Tasawuf, qu'est-ce que ça signifie, puis les détails de ça, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.